الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فهي وصية في القرآن الكريم للأولين والآخرين إن من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتاب الكريم وشهد على عدالة رسوله الأمين قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ومن الصحابة الأطهار الطاهرات الخيرات زوجات المختار صلى الله عليه وسلم جعلهن الله سبحانه وتعالى أمهات للمؤمنين قال جل وعلا في كتاب الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وكلام اليوم عن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وما أحوجنا إلى معرفة سيرتها سيرة الصالحة رضي الله عنها وأمثالها هي أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة وأمها هي أم رومان ولدت بعد البعثة بأربع سنين وخمس عائلتها كلها مسلمة من أنصار السنة من أنصار الدين بعد موت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فبعد ثلاث سنين جاءت إليه خولة بنت حكيم وأشارت إليه أن يتزوج عائشة رضي الله عنها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فخطبتها له إلى أبويها فقبلا ورأى قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي قبل أن يتزوجها رآها في المنام يقال لها هي زوجتك هي زوجتك ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها كانت لها المنزلة السمية في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه البخاري ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة ومن الرجال قال أبوها واشتهر ذلك عند الصحابة كلهم حتى إنهم يتقصدون يومها لإدخال السرور بقلب النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا ولما اعتاد الصحابة رضي الله عنهم ذلك غارت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وأرسلنا فاطمة رضي الله عنها بنت رسوله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا بنية ألست تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه أي عائشة رواه مسلم وكانت هي كذلك تحب النبي صلى الله عليه وسلم تخدمه تغسل ثيابه تنظف بيته ترجله وتهتم به على وجه الإحسان تتجمل له كل ذلك إرضاء لربها تبارك وتعالى ثم رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا قالت ومن أين تعرف ذلك يا رسول الله قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. رواه مسلم. أي لا تفارق قلبي يا رسول الله. وكانت لا تطيق الفراق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما تبتدئ به إذا استيقظت أن تبحث عن حبيبها ورسولها صلى الله عليه وسلم. ولما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن تلتحق بأهلها وأن تبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، لا أوثر عليك أحدا والله يا رسول الله. وكانت تغار، وحق لها أن تغار، فإنها زوجة سيد ولد آدم وسيد فإنها زوجة سيد ولد آدم وخليل رب العالمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو عندها فغارت، فلما رجع نظر إليها وقال لها: ما لك؟ قال لها: أغرتي؟ قالت: نعم، وما لي، لا يغار مثلي على مثلك. رواه مسلم. وذات ليلة، كما أخرج مسلم رحمه الله تعالى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته عائشة رضي الله عنها حتى انتهى إلى البقيع، ودعا لأهلها رافعا يديه وأطال القيام. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فسبقته ودخلت بيته واضطجعت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشة، أو يا عائش، ما لك؟ قالت: لا شيء. قال: لا تخبرني أو لا يخبرن اللطيف الخبير. فذكرت له عائشة رضي الله عنها القصة، ثم قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. ثم ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم القصة، وهي أن جبريل عليه السلام أتاه وذكر له أمر الله أن يخرج إلى البقيع ويستغفر لموتى المسلمين. وهكذا تفعل الغيرة بالنساء. أهدى صفية رضي الله عنها بعض الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فكسرت عائشة القصعة وأسقطت الطعام غيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بكمال حلمه وخلقه صلى الله عليه وسلم، قال هذا للصحابة: غارت أمكم، كلوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها ويتحدث معها ويفرحها وهي تفعل معه مثل ذلك. مثال جميل للسعادة في الحياة الزوجية. سابقها وقد تجاوز 50 من عمره، كان في بعض أسفاري معها، فقال لي الصحابة رضي الله عنهم: تقدموا فتقدموا. فقال: يا عائشة، تعالي يسابقك. فسابقته. بعد زمان مضى في بعض أسفاره، قال لأصحابه: تقدموا فتقدموا. وقال لها: تعالي يسابقك. فقالت على يعني بعد أن حملت اللحم على هذه الحال، قال لها: نعم، لتفعلن. فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: هذه لتلك السابقة. شاهدنا من الحديث إدخال النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عائشة السرور. وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستريح على فاخذها ولو كانت حائضة، ويقرأ القرآن وهو على تلك الحال. وكانت إذا شربت من إناء تعمد شرب من موضع فيها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، خلق جم وشمائل جميلة. وكانت أعلم النساء من هذه الأمة والأمم السابقة، وكانت أعلم الناس أو أفصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المكثرين، ومسندها تجاوز 2200. طلبت العلم منذ صغرها تحفظ من القرآن ومن الأحاديث مع صغر سنها شهد أكابر الصحابة لها بالعلم والفقه حتى قال أبو موسى رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما وكانت أفصح الناس كانت زاهدة عابدة قائمة قانتة صائمة رضي الله عنها كريمة توزع اللحم للفقراء حتى تنسى نفسها وتفطر على ماء وخبز كذا كانت رضي الله عنها أهدى إليها معاوية رضي الله عنها 100,000 درهم فتصدقت بكل هذا المال ولم تبق عندها شيئا رضي الله عنها ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن في بيتها وهي توفيت رضي الله عنها في شهر رمضان وقد تجاوز 60 سنة فرضي الله عنها عن أمنا عائشة رضي الله عنها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Vous savez tous que les meilleurs des gens, après les prophètes et les messagers, sont les compagnons de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élus et choisis pour accompagner son noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait leurs éloges dans son livre saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également vanté leurs mérites dans de nombreux hadiths en nous disant, par exemple, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. Il nous a interdit de les dénigrer, de les insulter, de les mépriser, en disant « N'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela ne serait pas l'équivalent de la moitié d'une poignée donnée par l'un d'entre eux. » Ce sont donc les meilleurs des gens après les prophètes et les messagers. Et parmi eux, les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des femmes pieuses, des femmes pures, qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie et tout au long de sa mission. Allah tabaraka wa ta'ala, fidèle les mères pour les croyants. En nous disant, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Donc elles ont la place de la mère dans la considération, dans le respect. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la véridique fille du véridique, Aïcha radiallahu anha. Et nous avons vraiment besoin de connaître la biographie des pieuses qui sont passées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou après lui. Car nos mères, nos épouses, nos filles, nous-mêmes avons besoin d'exemples et de rappels. Et quel meilleur rappel que de citer l'histoire de Aïcha et certains passages de sa vie. Elle se nomme Aïcha, c'est la fille de Abu Bakr, le meilleur des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le meilleur calife de l'islam. Son grand-père est Abu Quhafa, Uthman. Lui également s'est converti à l'ouverture de la Mecque. Sa mère, Umm Roman, également s'est convertie à l'islam et son frère Abdurrahman, pareillement. Cette famille est la famille qui a le mieux secouru l'islam et les musulmans et dépensé de son temps, de son argent pour le secours de l'islam et des musulmans. Le Abu Bakr était le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié à une femme qui se nomme Khadija, la fille de Khuwaylid. Après son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut énormément attristé de se séparer d'elle. Quelques années plus tard, Khawla, la fille de Hakim, lui a conseillé d'épouser Aïcha radiallahu anha, une des meilleures femmes de son temps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son conseil et l'envoya demander sa main à ses parents. chose qu'ils ont acceptée. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha. Elle est venue chez lui après l'hégire à Médine. Il n'a pas épousé une femme vierge en dehors de Aïcha radiallahu anha. Elle avait la plus grande place dans son cœur d'entre l'ensemble de ses femmes. Au point où cela s'est répandu et fut connu de l'ensemble des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le mérite de Aïcha sur l'ensemble des femmes est semblable au mérite du plat qu'on appelle Tharit sur l'ensemble des autres plats. Et c'est un des plats préférés, c'est un des meilleurs repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au messager d'Allah, qui est la personne que tu aimes le plus? Il répondit Aïcha. On lui dit ensuite, et parmi les hommes, il a répondu son père, c'est-à-dire Abu Bakr. Les compagnons avaient eu connaissance de cela au point où lorsqu'ils avaient un cadeau à offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être chez Aïcha pour lui offrir ce cadeau, car ils savaient que c'était son épouse préférée. C'est alors que ces femmes se sont montrées jalouses à l'égard de Aïcha, se sont réunies pour envoyer Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez Aïcha. Elle y trouve vif le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, tes femmes m'ont envoyé vers toi afin que tu sois juste à l'égard de Aïcha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô ma fille, n'aimes-tu pas ce que j'aime moi-même? Elle lui répondit, certes, ô mon père. Il lui a donc dit, alors aime-la celle-ci. Alors aime celle-ci, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha. Voici la place qu'avait Aïcha dans le cœur de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle également l'aimait d'un grand amour. Elle se mettait à son service d'un point tel qu'elle retardait son jeûne proche du Ramadan suivant. Tellement elle s'occupait et prenait soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lavait ses vêtements, prenait soin de sa maison. Elle lui peignait les cheveux et s'occupait de lui de jour comme de nuit. Elle s'embellissait pour lui à la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis pour prendre une belle place dans le cœur de son bien-aimé et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour, ô Aïcha, je sais lorsque tu es satisfaite de moi et lorsque tu es en colère contre moi. Aïcha lui dit, comment sais-tu cela au messager d'Allah? Il lui a répondu, lorsque tu es satisfaite de moi et que tu veux jurer, tu dis par le Seigneur de Mohammed. Et lorsque tu es en colère et que tu veux jurer, tu jures en disant par le Seigneur d'Ibrahim. Et elle de répondre, certes au messager d'Allah, mais sache que je ne fais que délaisser ton prénom. C'est-à-dire que ta place dans mon cœur est maintenue de manière intacte. Voici la place qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Elle ne supportait pas d'être éloignée de lui. La première chose qu'elle faisait, tel un réflexe lorsqu'elle se réveillait durant la nuit, est de chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette époque, il n'y avait pas de lumière. Un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Lorsqu'il est revenu, il l'a trouvé. Elle l'attendait. Il lui a dit, est-ce que tu es jalouse, ou Aïcha? Elle lui a répondu, et comment une personne comme moi pourrait ne pas avoir de jalousie envers quelqu'un qui est comme toi? C'est-à-dire la grande place que tu as au messager d'Allah développe naturellement cette jalousie en moi. Et elle est parfaitement en droit d'être jalouse car c'est l'épouse de la meilleure des créatures. L'épouse du bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des prophètes et messagers. Un soir le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Elle l'a suivi en cachette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu au cimetière de Médine al-Baqi' et invoqué pour les morts. Lorsqu'il s'est retourné pour rebrousser chemin, il a aperçu une ombre. C'était Aïcha. Aïcha s'est empressée de rentrer chez elle. Le prophète sallam a accéléré le pas. Elle en fit de même. Puis il a couru. Elle est entrée chez elle et s'est allongée, comme si elle n'était jamais sortie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle et lui a dit, oh Aïcha, que se passe-t-il? Elle lui a dit rien au messager d'Allah. Et il lui a dit, informe-moi ou celui qui est parfaitement connaisseur et savant des choses les plus subtiles m'informera. Alors elle lui a raconté ce qui s'est passé. Puis elle a dit, quelles que soient les choses que nous cachons, Allah le sait. Puis il l'a informé que Jibril alayhi salam est venu le voir et lui a dit qu'Allah lui ordonne de sortir au cimetière al-Baqi' pour invoquer en faveur de ceux qui sont morts parmi les musulmans. Un jour, Safiya radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fit parvenir un plat. Lorsque Aïcha a su que ça venait d'une de ses épouses, alors que c'était son jour, elle a laissé tomber le plat par terre et il s'est fissuré, il s'est cassé. Et la nourriture est tombée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la plus grande mansuétude, avec la plus grande patience. Et le meilleur des comportements, il a ramassé cette nourriture et l'a avancée pour ses compagnons en disant « Votre mère se montre jalouse, mangez. » Et il ne lui a pas fait de reproche, si ce n'est qu'il lui a dit de lui rendre un autre plat et avec un autre récipient. Il plaisantait avec elle, faisait entrer la joie dans son cœur, passait du temps avec elle et discutait avec elle. Un exemple parfait du bonheur dans la vie conjugale. Alors qu'il avait dépassé les 50 ans, il lui dit un jour, alors qu'ils étaient en voyage, après avoir dit à ses compagnons d'avancer, « Viens au Aïcha et faisons la course. » Alors ils ont fait la course et Aïcha l'a dépassé. Plus tard, il lui dit la même chose, faisons la course. Elle lui a dit, « Comment pourrais-je ? Alors que j'ai pris du poids et voici mon état. » Alors ils ont fait la course et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci l'a dépassé et lui a dit, « Ainsi nous sommes quittes. » Donc voici le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec elle. Il faisait entrer la joie dans son cœur et lui donnait du temps. Lorsqu'elle buvait d'un récipient, il buvait volontairement du même endroit qu'elle. Tout ça pour lui faire entrer la joie, pour faire entrer la joie dans son cœur et lui montrer la place qu'elle avait dans sa vie. C'était la femme la plus savante de la communauté et même des communautés passées. La femme la plus éloquente. Elle avait de la science dans le Coran, dans la langue arabe et même dans la médecine. Elle a rapporté plus de 2200 hadiths. C'est une des savantes chez les compagnons. Les compagnons revenaient à elle dans la science de l'héritage et dans d'autres sciences. Elle s'était détachée de la dunya, faisait partie de ceux qui priaient la nuit et jeûnaient le jour. Elle dépensait sans craindre la pauvreté. Elle partageait la viande entre les pauvres et s'oubliait elle-même, au point où elle rompait le jeûne avec de l'eau et du pain. Elle priait très, très longuement la nuit et très souvent, et jeûnait la plupart des jours. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé chez elle, alors qu'il était sur elle, en disant « Il al-Rafiq il-A'la, je choisis la compagnie la plus élevée ». Il est donc décédé chez Aïcha, dans sa pièce, et a été enterré chez Aïcha radiallahu anha, comme cela fut le cas pour Abu Bakr par la suite, puis pour Omar radiallahu anhum ajma'in. Et elle-même est décédée dans le mois de Ramadan de l'année 58, alors qu'elle avait dépassé les 60 ans. Cette femme est notre mère, pourtant elle n'a jamais enfanté. La bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des meilleures femmes qui ait marché sur la terre, qu'Allah soit satisfait d'elle et qui nous permette d'étudier la biographie de nos ancêtres pieux afin de pouvoir les prendre comme exemple. Il y a un homme, il y a une femme qui sont très malades et qui vous demandent de faire dua pour eux. Nas'a Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa arhamur rahimin ala kulli shay'in qadir an yashfiyahum wa yufarrija anhum wa yusabbira ahlahum wa salli Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa aqimi s-salah.